il se passe quelque chose. Quand tu fais de quelqu'un une priorité et tu ne fais pas de toi-même une priorité, tout a l'air de s'arranger. Alléluia! Ils ne vous traitent pas bien, vous les traitez bien. S'ils ne vous parlent pas bien, vous leur parlez bien. C'est Jésus est mort et il a mis cet amour à l'intérieur de vous. Et il vous a aimé en premier et maintenant vous pouvez aimer ce qui n'était pas digne d'être aimé. Il vous a aimé en premier et vous n'étiez pas digne d'être aimé. Mais Jésus vous a aimé en premier. Il n'est pas le punisseur. Il n'est pas celui qui met des maladies sur toi. Il n'est pas celui qui te tue dans un accident. Il est le Dieu qui aime ses enfants. Il veut vous recouvrir de toutes ses bénédictions. Voici Jéhovah que nous servons. Merci d'écouter cet enseignement de Creflo et Daffy Dollar. Notre but est d'apporter une compréhension de la grâce de Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu, partagée avec savoir et simplicité, et laissez-la changer votre vie. Vous voyez, la grâce de Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Mais la foi s'en saisit. Dites-le fort, la foi s'en saisit. Qu'est-ce que la foi saisit ? La foi saisit ce que la grâce a rendu disponible. La foi saisit ce que la grâce a déjà pourvu. Et qu'est-ce que la grâce a pourvu ? Tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont vous avez besoin dans votre vie et votre spiritualité a été pourvu dans le sang de Jésus. La faveur non méritée, l'amour, et je remercie Dieu pour ça. Je crois qu'aujourd'hui, cela va être un tournant pour votre vie, pour l'Église. Je l'ai déjà expérimenté. J'ai reçu cette parole pendant cette semaine, je l'avais attendue depuis plus de 30 ans. Merci Jésus. Amen. Je n'avais jamais vraiment su comment l'approcher. Mais grâce à Dieu, maintenant je le sais. Je veux commencer par vous parler à propos de la pertinence de la grâce de Dieu. La pertinence de la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être pertinent ? Parce que je ne crois pas qu'on le définisse bien, parce que vous savez, il y a beaucoup de fois où les personnes essayent d'être pertinentes. Et ce qu'ils font, c'est s'ils ne font pas attention, c'est qu'ils vont se retrouver comme, vous savez, plus comme le monde que Dieu. Ce n'est pas ce que ça veut dire être pertinent, ça ne veut pas dire tu perds ton identité. Mais Dieu t'appelle à être vraiment pertinent. Être pertinent veut dire être connecté avec ce qui est important. Quand tu es pertinent, tu es connecté avec ce qui est important. En d'autres mots, quelle pertinence, laissez-moi utiliser un synonyme, quelle signification a Dieu dans votre vie ? C'est ce que ça veut dire être pertinent. C'est ce que ça signifie, comment Dieu est connecté à ta vie. Comment la grâce de Dieu est connectée à ta vie ? Quelle signification a Dieu quand vous recevez un rapport du docteur qui dit que vous avez un cancer ? Qu'est-ce que Dieu signifie à ce moment-là ? Que signifie Dieu ? Et quelle est la pertinence de Dieu quand vous savez, vous êtes près du divorce dans votre relation ? Quelle signification a Dieu quand vous avez des dettes ou bien des manques, que vous ne pouvez payer vos factures et que vous venez de perdre votre job ? Quelle pertinence a Dieu quand vous avez des conflits ou émotionnellement vous êtes tourmenté par la dépression et la peur, que vous êtes blessé, que vous êtes seul ? Quelle signification a Dieu ? La raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que j'ai noté qu'il y a une épidémie dans notre pays. Je ne sais pas pour les autres pays, je n'ai pas voyagé cette année, mais il y a une épidémie dans notre pays et j'ai pu remarquer quelque chose. Et c'est ceci. Personne ne connaît la Bible. Ils ne connaissent rien du tout. Ils sont en train de vivre avec les petites choses qu'ils ont eues quand ils étaient petits et que maman les amenait à l'église. Non seulement ça, mais si c'était un germe, ça aurait une proportion épidémique. Mesdames et messieurs, les gens ont été formés par la religion et enseigner que Dieu est seulement pertinent quand c'est l'heure de mourir. Parce que nous avons prêché à propos du Dieu dans le temps d'après. En d'autres mots, voici l'attitude du monde d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de Dieu jusqu'à ce que je meure, parce que j'ai besoin de lui pour aller dans le ciel. Parce que nous avons parlé de Dieu dans la perspective du ciel et de l'enfer. Si tu ne veux pas aller en enfer, donc tu as besoin de Dieu. Si tu n'as pas Dieu, tu iras en enfer. Et donc finalement, la plupart des gens pensent que « Tu sais, je ne suis pas mourant » ou bien « Je ne suis pas vieux, je ne suis pas mourant ». Et donc, quelle est la signification pour moi d'avoir Dieu dans ma vie? Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de lui jusqu'à ce que je meure. Et donc Dieu n'a aucune pertinence dans la vie de beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas sur le point de mourir. Et personne n'est en train de penser à Dieu jusqu'à ce qu'il soit sur le point de mourir. Pourquoi? Parce que on ne prêche pas ou parce que nous devons continuer de prêcher tout le conseil de Dieu. Vous voyez, nous avons seulement prêché Dieu dans la perspective de... Vous savez, Jésus est mort pour sauver l'homme du péché, et donc, veux-tu le recevoir et être sauvé, et donc aller au ciel et éviter l'enfer, et c'est seulement ça. On ne voit pas la signification d'avoir Dieu dans la vie de tous les jours, parce qu'on ne nous a pas dit quelle pertinence il peut avoir quand nous sommes seuls et que nous... quand les émotions vous tourmentent, quand le docteur dit que vous êtes malade, qu'il y a des manques dans votre vie. Parce que quand on commence à prêcher toutes les choses que la grâce a pourvues, parce que les gens ne l'ont pas entendu, c'est immédiatement qu'ils la rejettent. Vous voyez, Jésus n'est pas uniquement mort juste pour pardonner vos péchés. Merci Seigneur, il nous a pardonné nos péchés, nous apprécions ça. Hein? Mais il est aussi mort pour que vous soyez délivrés des addictions aux drogues, des addictions au sexe, n'importe quelle autre addiction. Jésus peut vous libérer de toutes sortes d'addictions. En fait, laissez-moi dire ceci. Quand Jésus est mort il y a 2000 ans en versant son sang, il a déjà pourvu à votre délivrance de toute addiction que vous pouviez avoir. Maintenant, vous devez m'écouter parce que ce que je prêche ce matin, c'est ce que le diable essaie de battre, essaie de me combattre. C'est ce que le diable essaie de faire pour me discréditer, parce que je suis en train de lui enlever ses outils. Je vous dis à vous que vous n'êtes plus condamné maintenant, que Satan utilise la condamnation. Je vous dis que vous n'avez plus à être culpabilisé, Satan utilise la culpabilité. Et l'Église a culpabilisé. Pendant longtemps, l'Église a culpabilisé. Et je suis en train d'enlever ces outils dans la main du diable, et il ne pourra plus les utiliser contre vous. Je vous dis que Dieu n'est pas un punisseur. Il n'est pas un punisseur, il n'est pas celui qui punit, parce que tu n'as pas fait les choses parfaitement la semaine dernière. Il ne te punit pas parce que tu as oublié de dire tes prières hier. Dieu n'est pas un punisseur. Vous voyez, vous avez mis ça comme si c'était à propos de vous, mais ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de son histoire. Oh, vous allez devoir m'aider parce que je n'ai rien entendu là. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Vous avez un ennemi, et son nom c'est le diable. Il vient pour tuer, voler, détruire, et Satan ne veut pas que vous connaissiez la vérité. Il ne veut pas que la lumière du glorieux évangile de Jésus-Christ vienne briller sur vous. Il veut vous garder dans les ténèbres, donc c'est normal que vous connaissiez un petit peu la vérité. Une petite vérité. Ça va si tu sais qu'il est mort pour tes péchés. Mais il ne veut pas que tu saches qu'il peut te délivrer et qu'il a déjà pourvu à ta délivrance. Dans chaque domaine d'esclavage que tu peux avoir dans cette vie. Merci Seigneur, c'est comme une pilule qui guérit tout ce qui va mal chez toi. Jésus a déjà pourvu la délivrance de tout esclavage que tu pourras avoir dans cette vie. Vous voyez? Donc le sang de Jésus ne délivre pas seulement du péché, mais il vous délivre aussi de tout esclavage. Le sang de Jésus, il y a une part de la rédemption. Il a pris vos maladies, il a pris vos infirmités, il a pris votre esclavage. Mais il a aussi pourvu... Je vais le dire de façon forte et claire. Finance et prospérité. Il a déjà, à travers le sang de Jésus, Jésus a pourvu finance et prospérité pour toi. Et personne ne voit la signification que ça a quelque chose à voir avec Dieu. Quand bébé a besoin d'une paire de chaussures et quand t'as déjà une facture d'électricité ou quand t'as une facture de gaz, ton téléphone n'a plus de crédit, t'attends ton prochain paiement, ton chèque de paye est versé et t'as encore plus de factures. Personne ne fait attention à Dieu parce que la question la voici. Comment Dieu peut m'aider ici? et le sang de Jésus, une part de la rédemption. Et maintenant, il y en a de vous qui me regardent. Quoi, la Bible ne parle pas de prospérité? Oh Seigneur Jésus. Psaume 35, verset 27. La Bible dit que Dieu prend plaisir dans la prospérité de ceux qui le servent. Proverbe chapitre 10, et je crois au verset 22. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il la fait suivre d'aucun chagrin. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Je te donne le pouvoir d'acquérir ces richesses, afin de confirmer mon alliance. Hein? 2 Corinthiens chapitre 8. La Bible dit d'une manière très claire que lui qui était riche est devenu pauvre, afin que par sa pauvreté, nous devenions riches. 3 Jean verset 2 dit « Je prie par-dessus toute chose que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alors si vous n'avez pas lu la Bible, taisez-vous. Parce que le sang de Jésus a recouvert et pris vos manques, a pris vos dettes, et il est mort et a versé son sang pour que vous receviez la prospérité qu'il a rendue disponible pour vous. Mais quand tu prospères, il reçoit la gloire parce que tu vas dire à tout le monde, Jésus a fait ceci. Donc il y a une pertinence concernant ce que Jésus a fait il y a 2000 ans pour que tu sois prospère dans tes finances et pour ton mariage. Il y a des gens qui divorcent parce que même en faisant des thérapies, les conseils ne marchent pas pour eux, les thérapeutes ne fonctionnent pas pour eux. Vous finissez par trouver un thérapeute, vous refusez le conseil et vous lancez la procédure de divorce. Votre seul ami, c'est le juge qui signe la procédure de divorce. Mais Jésus, il y a 2000 ans, est venu verser son sang pour vous réconcilier. Et c'est ça, la meilleure manière de faire marcher votre mariage, c'est de mettre Jésus au centre de votre mariage. Parce que quand Jésus est le centre de votre mariage, peu importe celui qui ne fait pas ce qu'il est supposé faire, Jésus, la première place où Jésus s'est montré était un mariage. Et donc la signification qu'il se soit montré à un mariage, c'est pour te dire que Jésus veut avoir une pertinence dans ton mariage, c'est sûr. Et Jésus s'est montré à un mariage, et il y avait un manque à ce mariage, il y avait un manque de vin. Et Jésus dit, laissez-moi vous montrer ce que je vais faire dans votre relation. Allez chercher de l'eau. Et il changea l'eau en vin. Et ça n'a pas pris 3 ans pour le faire. Et Jésus l'a fait en moins d'une minute. Et je vous dis que vous pouvez avoir des problèmes dans votre mariage. Si vous laissez Jésus être le centre de votre mariage, il va tout remettre en ordre en quelques minutes. Tu as besoin d'un sauveur dans ton mariage et la provision a déjà été faite. Et Jésus peut se montrer et te donner ce pourquoi il est mort pour sauver ton mariage. Vous n'avez pas à divorcer secrètement. Vous n'avez pas à vous séparer. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre avantage de ce que Jésus a rendu disponible pour votre mariage. Wow, frère Dollar, oh, attachez vos ceintures parce que c'est la vérité, là, maintenant. C'est la vérité, ça, frère Dollar. Comment Jésus pourrait m'aider dans mon mariage? Tu ne comprends pas ce que j'ai vécu. Tu ne comprends pas comment j'ai été traité. Tu ne comprends pas la douleur que j'ai. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Donc voici ce que Jésus dit, il dit voici ce dont il s'agit. La racine de tout, les maux, l'amertume, les blessures, c'est l'égocentrisme. Quand vous êtes égocentrique, c'est la seule manière de sentir les choses que je viens de décrire. Car quand vous ne faites pas le focus sur vous-même, ce que quelqu'un vous fera ne vous blessera pas. Quand vous ne faites pas le focus sur vous-même, ce que disent les gens de vous ne vous affectera pas. Quand vous pouvez être délivré de vous-même, donc, écoutez, l'égocentrisme est la source de l'amertume et des conflits. C'est l'ennemi juré de l'humilité. Parce que dans la Bible, l'humilité, c'est quand tu te soumets à Dieu et que tu veux mourir à toi-même et que tu prends ta croix pour suivre Jésus-Christ. Tu es tellement pris sur « regarde-moi, oh regarde-moi ». Mais quand tu fais le focus sur toi-même, la vraie humilité n'est jamais orientée vers la propre promotion. C'est toujours tourné sur Dieu et sa promotion. Quoi ? Oui, il faut arrêter tous les divorces dès maintenant. Soyez délivrés de vous-même, parce que c'est là où vous vous trompez. Vous vous trompez en pensant que lorsque vous aurez divorcé d'avec cette personne, avec l'autre partenaire, ce sera bon. Non, car chaque partenaire devra faire avec votre égocentrisme. Tant que vous ne lâchez pas votre égocentrisme, vous ne serez heureux avec personne parce que vous n'êtes pas heureux avec vous-même. Mais aussitôt que vous serez délivré de votre égocentrisme et que vous ferez le focus sur quelqu'un d'autre, j'ai essayé de vous dire il y a quelques années ce que votre époux vous fait à vous ou comment ton époux te traite, ce n'est pas ton affaire. La question c'est comment tu le traites, lui. Qu'est-ce que je viens juste de décrire ? La délivrance de l'égocentrisme. Mais si vous êtes là à vous dire tout le temps « Oh, je n'aime pas la façon dont elle me parle, je n'aime pas la façon dont je suis traité, je ne me sens pas respecté en tant qu'homme, c'est pas tes affaires. » Comment ta femme te parle, comment ta femme te traite, ce qu'elle cuisine ou ce qu'elle ne cuisine pas, ce ne sont pas tes affaires. Tes affaires à toi sont « Est-ce que toi tu cuisines ?» Ton affaire à toi, c'est « Comment tu lui parles à elle ?» Éliminez l'égocentrisme et toutes vos relations commenceront à marcher et s'aligner sur ce que Dieu a dit de faire. Et il a une signification dans votre mariage. T'as dépensé tout cet argent chez le thérapeute. Je vous dis que quand je pratiquais, je prenais tout cet argent. Alléluia. Je m'asseyais et j'écoutais tous vos problèmes. Je ne savais pas mieux, vous ne saviez pas mieux, alors si vous veniez me voir, je vous laissais juste parler. Maintenant, si tu viens me voir et tu me parles, je te dirai directement pour qu'on ne perde pas de temps, c'est toi. Sois délivré de toi-même et tout va changer. Et vous savez, la prochaine question est à propos de lui. Ce ne sont pas tes affaires. Il se passe quelque chose quand tu fais de quelqu'un une priorité et tu ne fais pas de toi-même une priorité. Tout a l'air de s'arranger. Alléluia. Ils ne vous traitent pas bien, vous les traitez bien. S'ils ne vous parlent pas bien, vous leur parlez bien. C'est Jésus est mort. Et il a mis cet amour à l'intérieur de vous. Et il vous a aimé en premier. Et maintenant, vous pouvez aimer ce qui n'était pas digne d'être aimé. Il vous a aimé en premier, mais vous n'étiez pas digne d'être aimé. Mais Jésus vous a aimé en premier. Pertinence. Maintenant, il y a vous qui disent, tu sais, frère Dollard, tu sais, délivrer de l'égocentrisme, ça a l'air difficile, non? Oui, c'est vrai, vous allez devoir vous occuper de ça jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que vous mouriez. Oui, c'est une chose de tous les jours. C'est une décision de tous les jours. Et quand le vous-même ressort, c'est un peu comme une tartine qui ressortirait d'un grille-pain. Vous allez devoir le remettre dedans. Vous allez dire non, non, non, non, non, non, non. Je sais qu'à chaque fois que vous vous mettrez en travers, les choses ne marcheront pas comme elles devraient. Mais tout ça vient de la pertinence de Dieu dans nos vies. Et ceci, et j'en suis sûr, des centaines parmi vous peuvent en témoigner. Quelque chose a changé dans votre vie quand vous avez commencé à venir ici pour entendre la parole. Et plus vous veniez à l'église, et plus vous lisiez la parole, et plus vous écoutiez la parole, vous avez commencé à voir une transformation. Un changement prenait place dans votre vie. Et les gens, ils ne comprennent pas. Et laissez-moi vous dire, je prophétise cela sur vous. Vous êtes sur le point d'être si bénis que les personnes qui ne connaissent pas votre témoignage, ils vont vous accuser de faire quelque chose d'illégal. Parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi vous êtes tant bénis. Vous n'entendez pas ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes sur le point d'être tellement bénis. Parce que les choses sont sur le point de changer dans cette église. Vous êtes sur le point d'être tant bénis que ceux qui n'ont pas entendu votre témoignage vous accuseront de faire quelque chose d'illégal. Car ils ne comprendront pas comment quelqu'un peut être tellement béni. Alléluia. Jésus est mort sur cette croix, il a versé son sang pour que vous soyez bénis, pour que vous soyez guéris, pour que vous soyez délivrés, pour que vous soyez heureux, pour que vous soyez riches, pour que vous soyez confortables, pour que vous ayez du bon temps. Il n'est pas le punisseur, il n'est pas celui qui met les maladies sur toi, il n'est pas celui qui te tue dans un accident, il est le Dieu qui aime ses enfants. Il veut vous recouvrir de toutes ses bénédictions. Voici Jéhovah que nous servons. Voici notre Dieu. Et je ne cesserai de prêcher cet évangile de grâce jusqu'à ce que tout le monde sache que Dieu n'est pas derrière les catastrophes. Que Dieu n'a pas détruit votre maison dans une tornade. Alléluia. que Dieu ne vous a pas donné de maladie pour vous enseigner quelque chose. C'est un père, c'est pas un abuseur. Alléluia. Et Dieu n'est pas celui qui te condamne pour te faire sentir mal à propos de quelque chose que tu as fait il y a 10 ans. Il dit qu'il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et si tu es en Jésus, il n'y a plus de condamnation, plus de culpabilité. Il n'y a plus de peur d'aller en enfer quand tu vas mourir. Parce que si tu es assis avec lui dans les lieux célestes, tu y es déjà. Alléluia. Mais vous voyez, ce sont les outils du diable. Il s'est introduit dans l'église et la religion. Et on a prêché la condamnation, culpabilité et honte pour essayer de vous garder à l'église. Et maintenant, il y a une génération de jeunes personnes qui n'achèteront pas ça. Dites à un jeune que quand il va mourir, il va aller en enfer, il va vous demander pourquoi. Tu vas lui dire parce que t'as fait ci, parce que t'as fait ça, parce que t'as fait ci, et là il va te dire t'as pas dit que Dieu était amour. Bah pourquoi un Dieu d'amour m'enverra en enfer pour ci ou ça? Et là vous direz je arrête d'être aussi intelligent. Non, vous allez devoir répondre à cette question. Où un tel et un tel sont morts. Alors pourquoi Dieu les a laissés mourir? Tu sais, il a voulu prendre une fleur de son jardin sur la terre et il voulait la planter dans le ciel et ils vont pas acheter ça. La première chose qu'ils vont dire, c'est « Je ne veux pas servir un Dieu qui va prendre des fleurs sur la terre pour aller les planter dans le ciel, j'en veux pas de ça. Il faut que tu me dises pourquoi. Il faut que tu expliques pourquoi. C'est parce qu'il y a le diable qui rôde. Et Satan est venu pour tuer, voler et détruire. Mais Jésus dit « Je suis venu » afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et ça, ce n'est pas Dieu. Alors si vous voulez renvoyer le diable, soyez sauvés, soyez remplis, soyez prêts à y aller. Et attaquons le diable tous ensemble. Et si vous donnez à un jeune une cause, ils se rallieront à la cause. Mais si tu utilises les vieux trucs qui étaient utilisés sur toi, tu sais, le feu de l'enfer et le feu et le soufre, ça marche pas ça. Ça ne marchera pas avec la plupart des gens, parce que quand les gens ne voient pas la pertinence de Dieu dans votre vie de tous les jours, ça ne va pas marcher quand tu vas leur dire tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Ils vont dire hey, « Eh mec, je suis déjà en enfer là, alors ?» Je suis déjà en enfer, je peux pas payer cette facture, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mon job, j'ai rien à manger, j'ai une maladie, alors tu peux y aller. Je ne ferai plus ça maintenant. Si vous utilisez ces choses pour condamner, des tactiques pour que les gens viennent à l'église, ils vous diront, puisque je vais en enfer, et puisqu'il semble que je ne pourrai jamais plaire à Dieu, je fais mieux de rester chez moi. Au moins, ça ne me fait pas perdre du temps à essayer de m'habiller. Et ça, c'est encore une chose de bien s'habiller. T'as pas besoin de bien t'habiller pour aller à l'église le dimanche. Tu peux venir à l'église même en jogging, si tu le veux. T'entends ce que je dis? C'est pour ça que la semaine dernière, je suis venu sans cravate et avec un jean, et il y en a qui ont presque levé le doigt pour dire « Oh là là, ça c'est un rétrograde ». J'essaie de vous faire comprendre que je peux être juste et sain en portant un jean sur moi. Comme je peux porter un costume. Car Dieu ne regarde pas ce genre de choses, il regarde le cœur. Il nous faut découvrir cette pertinence de la grâce de Dieu dans nos vies chaque jour. Où on n'aura rien à voir avec Dieu jusqu'au temps de mourir. Juste au moment de mourir. Nous n'avons fait que de prêcher ça, le Dieu de l'au-delà. Au lieu de prêcher le Dieu de maintenant. J'ai besoin de Jésus. Oh! J'ai besoin de lui dès que je me lève. En fait, j'ai besoin qu'il me réveille. J'ai besoin qu'il me réveille parce que j'ai découvert il y a très longtemps que l'alarme ne m'avait pas réveillé. Parce que si vous croyez qu'une alarme est responsable de votre réveil, alors amenez cette alarme dans une chambre funéraire et vous verrez que tous ces corps morts. Et mettez cette alarme et vous verrez s'il se réveille. Non, l'alarme ne t'a pas réveillé. Ce qui t'a réveillé, c'est Jésus. Ne fais pas l'erreur à propos de Jésus qui te réveille. Malamo seke la labassa. Merci Jésus de m'avoir réveillé ce matin. Merci de m'avoir délivré de mes ennemis et des attaques du diable aujourd'hui. Alléluia. Et j'ai pris du temps à prier pour mes ennemis ce matin. J'ai dit Seigneur, je te prie pour. J'ai dit Seigneur, je te prie pour mes ennemis. Et ils sont nombreux. J'ai dit mais je prie pour chacun d'entre eux. Ils ne comprennent pas. ce que tu as fait. Aide-moi, donne-moi une plateforme, ouvre les portes pour qu'ils tombent sur une émission ou quelque chose, pour qu'ils aient une compréhension de que Dieu n'est pas seulement pertinent quand il est temps de mourir. Il est tellement présent ici, dans les temps de trouble. Alléluia. Il est celui qui peut t'aider quand quelque chose ne va pas dans l'avion, j'en suis témoin. J'en suis témoin et je vous dis, quand le pilote est à l'avant, vous êtes dans un vol commercial et il vous dit « on a perdu un moteur ». Et tu peux dire « ok Dieu, on est ensemble hein. ». Il va te dire « oui, je suis là ». Et tu peux avoir le plus gros réveil dans cet avion et tu peux commencer à prêcher Jésus. Parce que, écoute, ils vont commencer à y penser là parce qu'ils sont près de la mort. Mais tu sais que ton Dieu t'a déjà protégé et il t'a déjà promis qu'aucune arme formée contre toi n'aura de succès. Hallelujah. Maintenant, il y a beaucoup d'armes formées contre toi. Dieu m'a parlé de ça en me disant, « Fils, est-ce que ma parole est vraie ?» J'ai dit, « Oui, elle est vraie. » Il a dit, « Toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. » Il y a beaucoup d'armes forgées contre toi, mais ça ne marchera pas. Ne laisse pas les armes forgées contre toi te faire peur. Vous devez être prêt, vous ne pouvez pas avoir peur. Vous ne pouvez pas avoir peur maintenant, parce qu'il l'a déjà fait. Et maintenant, vous allez devoir être audacieux comme un lion. Vous allez devoir dire, j'ai confiance en Dieu. Je crois ce qu'il a fait. Je crois ce que le sang de Jésus a fait. Et je n'ai pas peur. On va parler de votre dépression. On va parler de votre relation. On va parler de votre attitude, votre caractère. On va montrer comment Dieu est pertinent dans chaque domaine de votre vie. Votre travail, vos finances, vos rêves, vos déceptions, votre passé et comment celui-ci refait surface, l'opinion que vous avez de vous-même, on va parler de votre vie. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.